c'était les parents. Et la mollesse des parents. C'est un peu là que ça part, à mon avis. Lorsque vous avez des jeunes qui en demandent davantage. Puis, si on me donne pas la gratuité, on verra le bordel. Si on me donne pas la gratuité, j'y vais pas. Moi, ça me donne pas la gratuité, là, je fais le bacon. Ça commence avec les parents. Le serrage de bras, c'est pas fait à un moment donné. Ça prend un serrage de bras à un moment donné. Juste pour dire, ça suffit, c'est assez. Tu es irresponsable, tu es déraisonnable. Et ça s'est pas fait. Résultat, vous avez des cégepiens et des universitaires hurlus-berlus qui sont décrochés de la réalité et qui sont prêts à passer aux grands moyens pour combattre un gouvernement avec des formes d'intervention anarchistes et même violentes. Là, c'est un bon exemple. Écoutez l'extrait. C'est un peu long, par exemple. Tu me dis que c'est bon complet, mon Laurent? Ah oh, oui, non, ça vaut la peine. Il y a plusieurs parents, il y a quelqu'un là, qui analyse les médias là-dedans. Là, puis c'est surtout, on chiale contre les policiers. Là. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est la faute des polices! T'sais, les parents, au lieu de regarder un peu, prendre un peu de recul, puis dire, on va peut-être avec leurs enfants, dire, on s'assoit, on en jase. C'est peut-être au pire. Hein, disons là, qu'ils sont vraiment pour la cause, là, pour le gel des frais de scolarité. Oui. Non, mais eux autres, c'est pas ça. Là. Eux autres, c'est une couche de plus. C'est l'extra sauce, comme tu dis. On écoute un extrait du documentaire qui s'appelle Dérive. Moi, j'ai pas élevé mes enfants à coups de bâton. Je refuse que la police traite mes enfants de cette façon. Ne pas laisser ça sous silence. C'est trop grave. Exactement. Je demande réparation en tant que citoyen pour le bordel causé au centre-ville de Montréal par des casseurs et des anarchistes. Ah, c'est pas ça. OK, elle parle pas de ça. Elle demande des excuses à la police et au gouvernement. Donc, la déresponsabilité. Vous voyez, le modèle que ces enfants-là ont, que ces jeunes adultes-là ont, ce sont ces parents-là, irresponsables. Donc, les responsables, c'est qui? Ça a été les journalistes, elle l'a dit, les médias, les c'est grands la médias. La faute des médias. Les policiers. La faute des policiers. Bravo à la police de Québec, qui a eu du muscle. Et qui n'a fait que sa job, dans le fond. C'est-à-dire appliquer la loi. Faire respecter la loi. Ouais, puis il n'y a pas eu de débordement ici, en plus. Il n'y a pas eu de débordement. C'est ça. On a juste respecté la loi. C'est juste ça qu'on a fait. Avec des parents comme ça, comment voulez-vous que les jeunes se comportent, au bout du compte? T'sais, la victimisation. Les jeunes allaient donc manifester. Pour certains d'entre eux, c'était pas la majorité. Lançaient des balles de bowling, des roches. C'était pas la majorité, c'était la minorité. Mais ces jeunes-là revenaient à la maison, mais au lieu de se faire débriefer par des parents en disant, tu penses pas qu'on va peut-être faire notre part, là? Un genre de 100 piastres d'augmentation, peut-être ça a de l'allure au bout du compte. Considérant le fait qu'au Québec, les frais de scolarité sont très bas. Hein? T'as juste à travailler un petit peu plus, puis on va t'aider. Donc, on va se serrer à la ceinture. Ça n'a pas été augmenté depuis un sacré bout de temps. Si on regarde au cours des 15-20 dernières années, il y a eu quand même plusieurs gels successifs. C'est pas ça. La chanson que les jeunes entendaient à la maison, c'est « Ah, genre, c'est-tu pas épouvantant? Lâchez pas, hein? Lâchez pas. Ah, ben, il y a un juge qui a imposé une ordonnance, en fait, une injonction. Ça n'a pas de bon sens, une injonction. À ce moment-là, faut laisser passer les étudiants qui veulent étudier. Mais là, ils respectent pas la démocratie à l'école. Vous avez voté pour la grève. » Les jeunes qui se font laver le cerveau, le double whammy, laver le cerveau à la maison par des parents mous, des lavettes irresponsables, et qui se font laver le cerveau par des leaders étudiants du style Gabriel Nadeau-Dubois. C'est le résultat que ça a fait. C'est ça que ça a donné. 10h54, et vous êtes dans Morel Life.